J'avais une envie, c'est d'avoir envie de t'avoir pour la vie. Mais t'avais vraiment, vraiment pas envie de... Non, regarde, c'est pas comme ça.